Maintenant, je comprends. What? Je comprends. I understand. Je comprends. Oui, c'est ça. Je comprends. I understand. Je ne comprends pas. I do not understand. Oh, I see. I mean, je comprends. Très bien.